police. C'est de la merde. L'armée. C'est de la merde. La justice. Messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion. C'est de la merde. La patrie. C'est de la merde. Le capital. C'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Et tiens. Vous êtes dans le magazine Libertaire. Donc le magazine Libertaire, c'est tous les jeudis soirs sur Alternante de 20h40 à 22h. Vous pouvez nous appeler en direct au 02 40 93 26 62, donc au standard d'Alternante. Vous pouvez écouter Alternante à Nantes sur le 98.1 et à Saint-Nazaire sur le 91 FM. Et pour le magazine Libertaire, vous pouvez nous joindre aussi par mail à maglib@zoom.org. Et écoutez nos sons et nos podcasts sur notre site internet https://maglib.boom.org. Alors ce soir, nous sommes le 16 février. On va parler de violences policières, de brigades spécialisées de terrain. Nous diffuserons le troisième épisode de notre chronique Linkil. Nous reparlerons encore des compteurs Linky et puis nous aurons sûrement un billet de Martin et nous terminerons par les annonces. Donc on va commencer par une chronique, par un article sur les violences policières. Ok. Donc moi je voulais parler de la réforme de la légitime défense policière. Donc après les manifs illégales des policiers, pour certains masqués et armés. Le gouvernement avait débloqué une enveloppe de 250 millions d'euros pour les policiers. Et là, il s'apprête à faire passer une réforme qui concerne la légitime défense des policiers. Donc c'est un projet de loi qui est déjà examiné en Conseil des ministres et par le Sénat. Et ça répond à une vieille revendication des syndicats policiers. Alors, jusqu'à présent, les règles qui autorisaient le tir à balles réelles de la part des forces de l'ordre, ce n'était pas tout à fait le même entre les policiers et les gendarmes. parce que les gendarmes ont un statut de militaire, donc ils avaient des règles légèrement plus permissives, entre guillemets, concernant l'utilisation de leurs armes. Donc, en pratique, par exemple, en 2010, la cour d'assises du Var a acquitté un gendarme qui avait tiré à 7 reprises dans le dos d'un homme menotté qui s'enfuyait d'une gendarmerie. Donc, en effet, la loi... Ça fait peur, en fait, parce que tirer à 7 reprises oui, sur un homme qui est menotté, c'est-à-dire qu'il n'avait pas toutes ses capacités pour courir, en fait. Dans le dos, quoi. D'après ce que je sais, en fait, il a tiré 7 fois, mais il n'y a que 3 balles qui ont touché... Enfin, voilà, ce qui a tué la personne, en fait, c'est 3 balles. Donc, en fait, ce qui veut dire que le type, il tire un peu n'importe où, en fait. Aucune maîtrise, oui. Aucune maîtrise de lui et de son arme. Donc la loi lui donnait et lui donne encore le droit de tirer sur n'importe quel individu, même désarmé, même dans le dos, à partir du moment où, premièrement, cet individu essaie de se soustraire à son autorité, et deuxièmement, le gendarme a effectué les sommations d'usage. Point. C'est monstrueux, quoi. Alors en tuant dans le dos Joseph Gardner, le meurtrier gendarme était dans la plus stricte légalité. Et c'est ce qu'a reconnu le tribunal de Draguignan en prononçant la relaxe pour cet assassin en uniforme. Donc, avec cette nouvelle loi, les policiers donc, s'alignent sur le statut des gendarmes, enfin, en tout cas, pour cette légitime défense policière. Donc, ils pourront ouvrir le feu dans plusieurs situations jusque-là réservées aux gendarmes. Par exemple, lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. Lorsqu'une personne cherche à échapper à leur garde et qu'ils ne peuvent l'arrêter autrement et qu'elle présente une menace. Et lorsqu'ils ne peuvent arrêter autrement un véhicule en fuite qui présente une menace aussi. Forcément. Le gouvernement se propose donc d'harmoniser les conditions d'engagement pour les policiers avec celles des gendarmes. Et à l'avenir, en droit, le tir devient donc possible pour les policiers après sommation pour arrêter une personne récalcitrante et qui s'enfuit et dans les situations de péril imminent. En fait, en réalité, ce droit est déjà effectif. En 1997, à Damary-les-Lys, il y avait une équipe de la BAC qui a abattu dans le dos le conducteur d'une voiture, Abdelkader Bouziane, 17 ans, qui refusait de s'arrêter à un contrôle. La police a bien sûr bénéficié d'un non-lieu par la suite. Donc, dans les cas de mort du fait des policiers, par tir ou étranglement, sur les 30 dernières années, moins d'un quart des policiers meurtriers ont été condamnés à une peine. Et seulement 5% à des peines très légères de prison. Donc voilà, la justice se montre toujours très complaisante avec ces meurtres. Et en fait, c'est le système pénal qui reconnaît finalement ces épisodes comme des sortes de dommages collatéraux dans leur fonctionnement normal, quoi. Je ne sais plus où j'avais trouvé l'article, mais il rappelle que, historiquement, la justice, elle est au service de la police. Comme le remarquait Michel Foucault, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Michel Foucault. Donc, il y a déjà 40 ans, quoi. Cette protection judiciaire dont bénéficient les flics concerne aussi d'autres pratiques comme celle des éborgnements à coups de flashball. Donc c'est une mesure symbolique, entre guillemets, qui est destinée à faire plaisir aux policiers et à répondre à leurs demandes. Mais le gouvernement fait plus que simplement réaffirmer le soutien moral et pénal de l'État à son bras armé. En fait, il ouvre également la possibilité pratique que les crimes policiers explosent. car on se souvient quand ils avaient donné des flashballs aux policiers, donc leur message était bon, allez-y, tirez, ça ne tue pas. Donc on a vu ce que ça a donné dans les manifs et dans les quartiers. Donc là, le message de cette loi là, sur la légitime défense, bah, c'est clairement, allez-y, tirez dès que vous vous sentez en danger, vous serez couvert. Et actuellement, donc, l'action de la police est régulièrement remise en cause. Il y a le gendarme qui a tué à coups de grenade Rémi Fraisse à Sivens en 2014, qui va sans doute bénéficier d'un non-lieu. Donc le gouvernement fait le choix de la fuite en avant en encourageant les forces de l'ordre à poursuivre sur leur lancée meurtrière. Il y a entre 10 et 15 morts chaque année. Donc les forces de l'ordre, en fait, semblent avoir très bien reçu le message, puisque pendant des affrontements à Aulnay-sous-Bois, là, très récemment, les policiers de la BAC ont fait des tirs de sommation à balles réelles. Donc, je ne sais plus comment on justifie. Enfin, ils étaient en danger. Oui, quoi. C'est ça. C'est, un des mecs du syndicat Alliance qui dit qu'ils étaient acculés, voilà. Des flics encerclés, et qu'ils n'avaient pas d'autres moyens à leur disposition que ces armes à balles réelles. On a un peu du mal quand même à croire qu'il n'y ait pas eu d'autres moyens à disposition, que quand ils envoient une équipe pendant des émeutes, ils n'aient pas d'autres moyens à disposition que de tirer à balles réelles. Enfin, moi, en tout cas, j'ai du mal à y croire. C'est pas pour justifier, c'est pas pour dire qu'ils devraient utiliser les autres armes, mais ils ont d'autres armes. Et que c'est très clairement de la provocation et de la pression pour faire peur aux gens et de la provocation de la part de ces flics, quoi. Donc, je continue. En fait, il y a le bulletin Résistons Ensemble du mois de février qui est paru. Là, vous pouvez trouver sur le net, sur Résistons Ensemble. Alors, Résistons Ensemble, pour rappeler, c'est un réseau en fait, qui s'est créé au début des années 2000 et qui a pour but d'informer et de briser l'isolement entre des personnes qui sont victimes de violences policières et sécuritaires. Donc, l'édito du bulletin parle de ce que tu viens de dire, Nadine, de violences policières, donc de la loi qui se prépare là, qui donne plus de pouvoir aux flics. Et il parle aussi de... Il y a un chapitre qui revient aussi sur le policier qui a tué Amin Bentounsi en 2012 et qui dit qu'en fait, ben avec cette loi-là, en fait, les policiers en fait, ne seront plus inquiétés. Quand tu tirais, comme tu l'as dit, comme ils veulent, ils ne seront plus du tout inquiétés. Et que déjà, à l'époque, en fait, la mise en examen de ce policier avait provoqué des manifs de flics. C'était entre les deux tours des présidentielles en 2012. Et il réclamait la présomption de légitime défense, qui était donc une revendication défendue de longue date donc, par les syndicats. Et il y a un procès. Donc le flic a été passé en procès. Il a été en janvier 2016. Il a été acquitté, étonnamment. Voilà. Et il y a un procès en appel qui se déroulera du 6 au 10 mars 2017. Voilà. Et il est dit aussi que Amine, en fait. Amine a été alors recherché pour vol à main armée, c'est ce qu'il disait, alors qu'en fait c'est totalement faux. Il était recherché parce qu'il n'avait pas réintégré le centre de semi-liberté où il purgeait une peine. Sa sœur, donc Amal, a porté plainte pour diffamation et elle dit peut-être que déposer plainte n'aboutira à rien, mais pour moi c'est symbolique. Et ce qu'il rappelle aussi dans cet édito, c'est que, bon, comme tu l'as dit, on peut compter 10 à 15 morts par an tués par la police. Tous n'ont pas été tués par arme à feu, mais en fait, il y a une volonté de salir la mémoire des personnes qui sont décédées. Et en ajoutant, c'était un délinquant, c'était bien un drogué. Bien connu des services voilà, de police. Ça, en fait, ça minimise la responsabilité des polices, en fait. Voilà, donc c'est un argument qui est assez insultant et qui est assez provocateur. Ça laisse croire aux gens que si tu fais rien, tu risques pas, quoi. Voilà, et voilà. Ce qu'ils disent aussi, c'est que quand bien même le mort l'aurait été, donc c'est soit un délinquant ou un drogué, en fait, ça ne justifie pas en fait, qu'on le tue. C'est de la racaille. J'ai pas entendu, j'ai pas mon casque. Mais... De la racaille. Ah, d'accord, ok. Et à la fin de l'édito, ils disent ce que tu as dit, la loi, elle ne changera pas grand-chose. Elle est là pour entériner une pratique de fait et la justifier encore davantage. Alors ça, c'était l'édito. Et dans le bulletin, donc il y a des chroniques. Je ne vais pas tout énoncer, mais vous pouvez le retrouver sur le Résistons Ensemble, donc sur le net. Il parle notamment de Vérité Justice pour Mehdi, dont on a parlé à Vénissieux. Mehdi est mort le 11 décembre. Il est décédé, il était sur un scooter avec deux autres personnes. Ils ont été percutés par une voiture de police. La personne est morte. Donc il y a eu une marche blanche le 28 janvier pour notamment demander... pour en mémoire et aussi demander l'ouverture d'une enquête parce que ce décès est classé comme un banal accident de la route. Les flics ont complètement dit non, il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a pas eu de gyrophare. Nous, on n'a rien fait, on voulait juste contrôler. Ils sont plafonnés eux-mêmes dans le poteau qui était en face. Voilà, donc il y a 150 personnes qui ont défilé. Ce 28 janvier, ils étaient encadrés par un impressionnant dispositif de gendarmerie. Les forces de l'ordre ont multiplié les provocations et les intimidations. Et en fait, donc, la manifestation était déclarée. Ils avaient déposé un parcours, mais les flics les ont empêchés d'aller passer par où le parcours avait été décidé. Et toute la famille de Mehdi s'est retrouvée encerclée et contrôlée par une quinzaine de flics de la BAC qui les a menacés de porter plainte pour slogan non approprié. Je ne sais pas ce qu'ils appellent slogan non approprié. Oui, là, on est foutus. Voilà, donc moi, j'ai regardé une vidéo. Ce n'est pas des slogans non appropriés, c'était vérité, justice, pas de justice, pas de paix. Enfin, voilà, quoi, tout ce qui est le plus réaliste, en fait. Non, mais alors là, slogan non approprié, on est foutus, quoi, parce que qui peut dire ce qui est approprié ou pas, quoi. Surtout de demander aux flics de juger si c'est approprié ou pas. Oui, voilà, c'est ça. Ont buté des gens, je ne suis pas sûre que ce soit. Ouais. C'est comme crier Fillon président, c'est inapproprié, ça. Ouais, complètement. Alors, il parle aussi de flashball, comme tu en as parlé, Nadine. Il y a eu 42 mutilés gravement ces dernières années. Il y a un policier à Marseille qui a tué d'un coup de flashball un travailleur migré en 2010 et qui est passé en jugement récemment. Il avait tiré à 4,40 m, alors que normalement, c'est pas à moins de 7 mètres, il me semble, en riposte à un lancement d'un mug, d'un homme excité. Putain. Voilà. Et donc, le tueur, il appelait ça une légitime défense. Le procureur a demandé 18 mois avec sursis. Et le délibéré est le 3 mars. Alors. Ça fait penser un peu à l'histoire qu'on se racontait tout à l'heure en antenne, du gars qui veut se garer, qui se fait embrouiller par les flics. Qui traite le flic de violeur d'enfants et du coup qui prend de la prison pour diffamation. Ouais. Il a pris combien Je crois qu'il a pris 6 mois ferme. 6 mois, ouais. Ouais. Six mois ferme. Et là, les flics, ils butent quelqu'un. Ouais. Le flic, il bute quelqu'un et il a 18 mois de sursis. Quoi. Tout va bien. C'est la France généreuse. Elle prodigue des mois fermes pour les damnés de la terre et puis les nantis. Tout va bien. Fillon, Marine Le Pen... Ils n'iront pas en prison, ces gens-là, non ? Non. Alors, il est aussi question de Geoffrey, donc ce lycéen qui a été mutilé en 2010 pendant le mouvement contre la réforme des retraites, en fait, voilà. Donc, le flic... Geoffrey avait 16 ans à l'époque. Le flic avait été condamné à 1 an de prison avec sursis, 1 an d'interdiction de service et 2 ans d'interdiction de port d'armes. Il y a eu un appel à Paris les 9 et 11 janvier, donc 2017. Le proc demande une peine assortie de sursis et pas d'interdiction d'exercer, contrairement au jugement de la première instance. La peine serait donc à la discrétion des juges, mais Tout doit être fait pour que le flic continue à officier, parce qu'il est déjà promu, déjà muté. Voilà, tout est fait pour dédouaner le flic, jusqu'à lui faire dire que c'est Geoffrey qui agressait les pauvres policiers désemparés sans armure. Et le verdict est le 28 mars, et il est précisé effectivement que le délai pour le libérer est sacrément long. Voilà, donc on attend le 28 mars. Il y a un autre chapitre qui concerne les flics de Pantin, donc qui sont toujours aussi agressifs. Il y a un an à Pantin, donc du coup les flics en étaient pris à une personne et à ses deux fils. On peut le retrouver donc ces histoires dans le Résistons Ensemble numéro 148 que vous retrouvez sur le net, où en fait il y avait franchement des contrôles, des humiliations par rapport à ces personnes, des interpellations avec violence grave, outrage et rébellion, garde à vue. Et en fait, toutes ces histoires-là ont abouti à la création d'un comité de vigilance contre les violences policières à Pantin. Là, ce qui se passe, c'est que le 20 janvier, les flics sont attaqués à deux autres personnes, donc deux réfugiés tchétchènes. Vers minuit, deux jeunes hommes sonnent à la porte du comico pour demander à récupérer leur voiture, comme les y avaient invités les flics de Bobigny, qui leur avaient confisqué lors d'un contrôle. Personne ne daigne leur ouvrir, et de l'autre côté de la vitre, les flics, en fait, ils les provoquent. Donc il y a une personne qui réplique par un bras d'honneur. Il y a deux flics qui sortent alors en furie et qui les aspergent à la gazeuse de poivre. Et celui qui a pris le bras d'honneur, en fait, comme une insulte personnelle, il roue de coups et leur casse leur portable. Voilà, donc les personnes ont porté plainte, les deux personnes réfugiées tchétchènes, voilà. Donc je pense qu'on aura peut-être des nouvelles à préciser, que c'est la brigade spécialisée de terrain, en fait, qui est du côté de Pantin. Et alors je vais terminer par une autre chronique qui est le harcèlement policier dans les foyers Adoma et Coalia. Donc au foyer Coalia, donc c'est à Rosny-sous-Bois, les résidents et leurs visiteurs sont systématiquement contrôlés. Et c'est la même chose à Montreuil, au foyer Barra. La police traque évidemment les travailleurs en situation irrégulière. Il faut comprendre ce harcèlement policier dans un contexte plus large. Donc il y a souvent des incendies, des agressions extérieures. Les bâtiments, en fait, sont en état de délabrement et de quasi-abandon. J'ai cherché un peu sur Internet, effectivement, depuis 2013. En fait, il y a des personnes qui mettent en évidence cet état de délabrement, parce que enfin, rien n'est aux normes, c'est complètement pourri, en fait, et les personnes enfin, vivent là-dedans. Voilà. Le gouvernement a entrepris de récupérer donc, le parc immobilier de la Société Nationale Immobilière, donc, qui est gérée par Adoma et Coalia, pour y loger les exclus du logement social. Voilà. Donc, en fait, les personnes, elles se retrouvent dans des situations où, en fait, elles ont la pression et elles vivent dans des états complètement, dans un habitat complètement indigne. Et voilà. Je pense que vous retrouvez des informations sur le net, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et du coup, ça, c'était un extrait de Résistons Ensemble, donc du dernier Résistons Ensemble du mois de février, qui est très intéressant et que vous pouvez lire en extrait en entier sur le net, parce que ce bulletin ne paraît que sur Internet. Je pense qu'on mettra un lien sur notre site lors de la mise du podcast sur notre site Internet. Alors, avant de passer à la suite, donc à la brigade spécialisée de terrain, nous allons faire une pause musicale. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité, vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique, et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence, les mêmes promesses, les mêmes mensonges, les mêmes tapes dans la caisse, les mêmes plonges, les mêmes sons dans la hesse. les mêmes manches, les mêmes menteurs, trafiquent les mêmes comptes, les mêmes commis au service des mêmes pontes, les mêmes fils de pauvres sont incarcérés, les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte, lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac? Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé, tous ceux que j'ai cités ont été condamnés. Ce sont les mecs de cité qui traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem, vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie, vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie. Cumul des mandats jusqu'où vous irez? Est-ce le cumul des salaires que vous désirez? Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens. Je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir. Vous faites de la politique sans conviction. Parfois vous en faites même pour éviter la prison. En costume cravate sont les vrais voyous. Vous ne croyez plus à rien, plus personne croit en vous. Y'a qu'à observer les taux d'abstention. Faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention. Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes. Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS. À bout de souffle, votre système est dans un cul-de-sac. A essayer de te battre comme un cul-de-chat. Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus. Vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas. Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée et scellée. Le dialogue social gît dans un cercueil. Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil. Vous faites monter le sentiment anti-policier. Usez de la police comme d'une armée privatisée. Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis, il ne sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Ces putains de dettes là qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer, ces putains de dettes. Parce que la banque elle est plus forte que vous. La banque elle est plus forte que vous. La banque elle est plus forte que vous. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous êtes complètement soumis à la finance. Vous votez les lois que les riches ordonnent. Après le 49-3, plus rien ne m'étonne. On travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen. On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais. Tout l'argent qu'on fait rentrer, vous nous le reprenez. Chaque fin du mois à découvert, on a l'impression d'être esclave du système bancaire. Les plus riches connaissent le jeu, jouissent de niches fiscales. Les petites PME croulent sous les charges sociales. Radar, on paye, péage, on paye, pollution, on paye. Oh, qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric? Que foutait Eric Zemmour sur une chaîne publique? Payé pour propager sa haine, semer des graines récoltées par le FN. Pour vous-même, Marine Le Pen est devenue fréquentable. Quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table. Incapable de gouverner, vous divisez. Incapable de rassembler, vous stigmatisez. Aveuglé par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée. Tous vos prétendus principes de laïcité ne concernent pas cette Saoudienne sur les Champs-Élysées. Pour vous tous négocier, tout est question de genre. Vous êtes même prêts à livrer les banlieues au Qatar. Votre jeu est trouble. Votre discours est double. Au pays dit des droits de l'homme, l'état d'urgence est devenu la norme. Et vous prétendez faire la leçon au monde entier. Imposer la démocratie à coups de mortier. Sans pitié, vous avez buté Kadhafi. Aujourd'hui, dans quel état se retrouve la Libye? La roue le sait, je le mets en musique. Vos médias le taisent, je le rends public. Je vous tiens tête comme un mec des minguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S? Droit dans mes bottes, je ne baisse jamais mon froc. La tête haute, je suis intègre. Je fais du hip-hop, vous appelez ça de la musique nègre. Genre en indé, tu me verras plus jamais mettre les pieds à Skyrock. Ils n'aiment pas ce que je suis, ce que je défends, ce que je porte. C'est réciproque. Ils ont travesti le RAP. Je fais partie des rescapés. Ils ont encensé la médiocrité. Ils ont fait du hip-hop de la variété. Ils ont joué les clashs pour nous diviser. Tant que ça fait de l'audience, on peut s'allumer. Quand un rappeur se fera buter, ils organiseront un concert au nom de la paix. Yeah, je fais de la musique contestataire. Vous vendez des espaces publicitaires. Je me suis sacrifié pour mes petits frères. Vous vous jouez des trucs qui les envoient au cimetière. Fric et violence dans vos playlists. Vous abrutissez les miens, ça plaît aux élites. Vous vous êtes servi de moi, je me suis servi de vous. Pour que mon message passe au plus grand nombre, maintenant je peux le faire sans vous. J'ai un public qui me soutient. J'ai fait des choses, le peuple s'en souvient. La roue vous vomit, je le rends public. Rien n'a changé depuis l'être à la République. On est toujours dans le magazine Libertaire et avant de reparler de la BST de Pantin, dont on parlait déjà tout à l'heure, moi je voulais un peu raconter l'histoire de la BST. En fait, la BST, c'est la Brigade Spécialisée de Terrain qui a succédé aux UTEC, qui étaient d'ailleurs les unités territoriales de quartier. Et en fait, c'est des brigades de keufs qui ont pour mission, comme on le verra tout à l'heure, de sillonner les quartiers. Et du coup, les BST, elles sont nées en 2010. Les UTEC, elles avaient vu le jour en 2008 sous l'impulsion de Sarko et de Michel Alliot-Marie. On se rappelle, on l'aimait bien, Michel Alliot-Marie. Heureusement, elle se représente aux élections, tout ça. On est content. Enfin, Michel, si tu nous écoutes, tu ne nous manquais pas. Et du coup, voilà, c'était censé remplacer la police de proximité qui avait été supprimée par Sarkozy en 2002. Donc ils ont d'abord créé les UTEC en 2008, et quand Brice Hortefeux, qui nous manque pas du tout non plus, est arrivé, lui, il a créé la BST parce qu'il trouvait que les UTEC n'étaient pas assez musclés. Les UTEC, il faut savoir que c'était quand même, donc comme on disait, c'est des bandes de flics en fait qui sillonnent les quartiers à pied, du coup les quartiers populaires à pied toute la journée, et ils sont armés de flashballs, de LBD, de tasers, de matraques, des grenades de désencerclement. Et leur but, c'est d'empêcher les délits et de récolter du renseignement. En fait, ils ont trois missions. Leurs trois missions, c'est de lutter contre la délinquance, donc comme on disait, empêcher des délits. Mener des opérations de collecte de renseignements, donc essayer d'avoir que les gens se dénoncent entre eux, notamment, hein, et surveiller. Et participer à la restauration du lien de confiance police-population. Ah bah, avec les deux missions précédentes, on se doute de comment ça doit bien marcher. Et ça, c'est la police de proximité, du coup, façon Sarko et Alliot-Marie, plus Hortefeux. Alain Bauer, qui nous manque pas du tout non plus, hein, même si on entend encore parler de lui, avait félicité, enfin lui, il trouvait que c'était une bonne... que c'était une bonne police et que c'était une bonne stratégie pour ramener l'ordre dans les quartiers populaires. Donc voilà. Donc en 2010, comme on le disait, Hortefeux, lui, il est pas content. Il dit que c'est pas assez musclé, en fait, les UTEC. Il va créer la BST. Et du coup, il va donner plus de moyens. Il va donner des enveloppes de fric supplémentaires à la BST, notamment pour acheter de l'équipement supplémentaire. Comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ils étaient déjà pas mal équipés. Et ils vont du coup avoir accès à toutes les armes, en fait, du maintien de l'ordre, des tenues anti-émeutes et tout ça. Le tout accompagné, mais les UTEC étaient déjà accompagnés de ça, des compagnies de sécurisation, en fait, qui sont des flics qui peuvent venir en appui des UTEC et du coup maintenant de la BST pour renforcer, en fait, les équipes de maintien de l'ordre. Et ces équipes de compagnies de sécurisation, elles font pas que ça, c'est une partie de leur mission, elles font pas que ça. Ces équipes qui sont à la fois à pied, en véhicule, en civil, en uniforme, avec tout le tas d'armes qu'on a citées avant. Du coup, voilà, c'est ça l'ambiance quand on parle de BST, quand on parle des flics qui ont violé et agressé Théo. En fait, on parle de ce genre de flics, en fait. Ça, c'était pour être un peu clair. Et depuis, en fait, depuis qu'ils sont arrivés, il y a beaucoup de plaintes des habitants dans lesquels des habitants des quartiers dans lesquels ils patrouillent. Et notamment, les gens, ils se plaignent de harcèlement, d'insultes racistes et homophobes, d'abus de pouvoir, de menaces, de coups, d'humiliation, d'attouchement, de viol. Notamment. Et parmi les témoignages, en fait, dont on a pu entendre parler ces derniers jours, il y avait donc le truc dont on parlait tout à l'heure, Marilyn, à Pantin, qui est... Donc il s'est passé en janvier, il s'est repassé des trucs à Pantin, mais en fait, il se passe régulièrement des choses à Pantin avec la BST et les autres flics. Et là, un des témoignages, c'est des gens... on en avait déjà parlé ici, ça se passe en décembre 2015. Et c'est une maman, en fait, qui va se faire défoncer par les flics parce qu'elle intervient sur l'arrestation d'un de ses mômes, en fait. À la suite de cette agression par les flics, il y a un comité de vieux... Enfin, de cette agression, puis il y avait eu une agression quelques jours avant du fils, en fait, de cette dame-là. qui avait eu des ITT et tout, et les flics... Il a été opéré d'ailleurs, et les flics lui avaient fait mal au testicule, quoi. Il était blessé au testicule. Donc c'est une, et eux, ils vont dire que c'est une façon, enfin que c'est une pratique régulière en fait des flics à Pantin. Et du coup, on l'apprend pas d'ailleurs, mais il y a des témoignages qui en parlent ailleurs. Hein, c'est pas que là. Du coup, suite à ces agressions, en fait, il y a eu un comité, il y a eu la création d'un comité de vigilance contre les violences policières à Pantin. Et là, il y a eu en janvier une émission de l'actualité des luttes qui leur a donné la parole. Donc nous, on a coupé un extrait, en fait, parce que l'émission, elle dure une heure. On n'avait pas de quoi passer une heure, mais on vous invite à écouter le reste. Et dans cette émission, du coup, les personnes, elles vont parler de ce qu'ils font les flics à Pantin et aussi du lien entre la politique d'urbanisation de la ville et la répression, en fait, et le comportement des flics à cet endroit-là. Du coup, on vous laisse écouter l'émission et on vous dira après où est-ce que vous pouvez la retrouver. Ça dure 17 minutes. À tout. Donc, à c'est constitué sur Pantin et en Seine-Saint-Denis. Un comité de vigilance contre les violences policières à Pantin. Pour ne pas rester aveugle, sourd et muet, quand des équipes de gros bras anabolisés aux préjugés racistes reçoivent le feu vert des autorités pour donner libre cours à leurs pulsions. C'est pour nous une question de solidarité, de dignité, de liberté, d'égalité, de fraternité. Tous ces fameux grands mots qui font pouffer ou ricaner maire, préfet, procureur, toute la clique, sans oublier bien sûr ceux qui distribuent la gamelle et ont déjà calculé les bénéfices en millions ou en milliards qu'ils empocheront une fois la misère et la jeunesse chassées de la proche banlieue de Paris pour aller dépérir plus loin, sans autre horizon que de quémander un boulot de con pour pouvoir payer ses factures, ses traites et ses impôts, sinon la matraque et la prison. Quand on proteste contre l'injustice institutionnalisée, on ne part évidemment pas gagnant. Mais c'est quand on ne proteste pas qu'on a déjà tout payé. S'est déroulé en quelle année en fait ? Décembre 2015. Donc le 14, Bilal s'est fait agresser. Suite à ça, il est hospitalisé, subit une opération. Et deux jours après à sa sortie, il porte plainte contre la brigade de la BST qui est nouvellement installée à Pantin depuis septembre 2015. Et bon, voilà, donc ils n'ont pas apprécié qu'ils posent plainte contre eux et ils sont revenus le 26 pour lui trouver quelque chose sur le dos. Mm-hmm. Et c'est là que sa mère, elle est descendue pour savoir pourquoi ils l'ont interpellée. Et après, ils l'ont tabassée, elle et tout et tout. Après, le mois de février, donc ils leur ont mis une dégradation d'un hall d'immeuble sur le dos avec un dossier qui était monté avec la complicité de la mairie de Pantin. Et sont venus interpeller notre chienne aussi. Il y a quatre affaires. Il y a l'affaire de décembre 14 et l'interpellation de Wassili Bilal le 27 décembre. Donc ils sont poursuivis. Donc c'est eux qui étaient agressés, ils sont poursuivis pour outrage et rébellion. Et une affaire du mois de février pour dégradation. Donc en fait, vous portez plainte contre la police et après, on vous poursuit, on vous harcèle pour essayer d'intimider la famille, de lui mettre la pression pour qu'il se taise en fait. Voilà. L'objectif c'est le silence et voilà, on est là pour terroriser les jeunes, parce que moi je parle avec les jeunes en bas. Cette brigade elle terrorise et son but, ils sont là pour la violence en fait, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Tout est lié parce que les affaires se sont enchaînées. Mais la justice, en fait, elle traite chaque affaire séparément. Avec la complicité du procureur, que l'affaire de ma femme, le 26, on voit bien qu'il était tabassé et tout ça. Et puis, l'affaire, elle est classée. Sa plainte, elle est classée parce que, soi-disant, que la police, ils ont utilisé juste la force nécessaire. Donc, pour le procureur, c'est il n'y a pas d'éléments qui étaient classés. Et l'affaire de Bilel, vu qu'il n'y a pas de témoin, qu'il n'y a personne, qu'il n'y a que la plainte de Bilel lui-même, qui a subi des violences, et le récit de la police. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? En fait, ils ont dit qu'ils ne l'ont jamais agressé. Que juste, ils ont voulu l'interpeller, puis il s'est débattu, il a reçu un coup de genou. C'est M. Durand. Ouais, M. Durand, qui d'ailleurs, il est plus là, il a été muté. Mais moi, quand j'ai ramené Bilel voir le médecin légiste, le médecin judiciaire, de la police judiciaire, il a bien noté, parce qu'il avait un enregistreur, il a bien noté qu'il y avait des traces de strangulation. C'est-à-dire que le policier, il a nié, il a dit non, moi je ne l'ai jamais étranglé, il a juste reçu un coup de genou. En ces deux battants, il a reçu un coup de genou accidentel. Le médecin, il a bien précisé qu'il y avait une trace de strangulation. Le procureur aussi, il a dit que vu qu'il n'y a pas de témoignage, alors qu'il y avait un témoin. Il y a deux témoins qu'on, sur le procès verbal, que Bilel, il a dit, ils sont là, ils sont prêts à être entendus. Et l'un d'eux, il a écrit un courrier avec accusé de réception à la police du police, à l'inspecteur, celui qui enquête sur l'affaire, pour lui demander qu'il était témoin visuel de ce qui s'est passé et qu'il est prêt à être entendu en tant que témoin, qu'il attend sa convocation. Donc, il n'a jamais été convoqué. Donc, l'avocat, il a demandé le dossier. Pierre Mera, il a demandé le dossier. Là, déjà, ça fait 3 mois. Et il va étudier le dossier pour voir qu'est-ce que le médecin de la médecine judiciaire, qu'est-ce qu'il a dit exactement. Parce que je pense qu'ils ont essayé de traficoter ou enlever ce qu'il a dit le médecin. Donc, on ne sait pas ce que vraiment l'inspecteur, ce qu'il y a dans le dossier, ce qu'il a gardé. Donc là, on est dans l'attente de ce dossier-là et à partir de là, on va se constituer partie civile. Sachant que Bilel, il a subi une hospitalisation, une opération. Il y a mutilation presque. Il y a presque un écrasement de testicules. Donc s'il n'a pas été opéré, le chirurgien il m'a dit que s'il n'avait pas été opéré dans les heures qui suivent, il aurait perdu un testicule. Vous êtes aussi au courant que les policiers en cause, c'est des policiers qui maîtrisent les arts martiaux. Donc c'est une brigade, ça s'appelle la BST, la Brigade Territoriale de Sûreté. Ils sont très entraînés et vraiment c'est des sportifs qu'on est en face d'eux. Moi maintenant, à chaque fois que je les vois en bas de chez moi, je descends. D'ailleurs, vendredi dernier, je suis descendu parce qu'il y avait des jeunes en bas. Ils venaient avec mon fils pour rentrer à la maison. Donc ils les ont arrêtés. Pourquoi ? Donc je descends, je lui dis, mais c'est mon fils, vous lui reprochez quoi ? Elle m'a dit, j'ai pas à vous dire qu'est-ce que je lui reproche. Je lui dis, allez-y, vous voulez le contrôler, c'est ça ? Contrôle, vous le connaissez très bien. Donc il est resté 5 minutes et après, quand il a vu qu'on était là, qu'on insistait, ils les ont relâchés. Mais ça se passe pas toujours comme ça. Là, ça s'est calmé, on va dire, depuis un an, parce qu'ils savent que il y a une comité de vigilance contre les violences policières à Pantin, qu'on est en contact avec plein de familles sur Pantin qui subissent la même chose. Sauf qu'eux, ils sont dans le silence parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des propres représailles. C'est vrai que ce n'est pas facile. Nous, depuis un an, on vit une situation familiale qui n'est pas facile. Parce que moi, je vis pratiquement dans l'angoisse quotidienne. À chaque fois, je m'attends que mes enfants ils vont être arrêtés, on reçoit des contraventions imaginaires de la police de Pantin. Par exemple, voici dernièrement, il y avait un policier qui était en train de contrôler un de ses camarades, un de ses copains. Il était de l'autre côté de la rue, il était en train de filmer. Donc il y a un policier qui est venu lui demander de lui donner son portable pour effacer ce qu'il a filmé. Il lui a dit non, j'ai le droit de vous filmer en l'exercice de vos fonctions. Donc il lui a dit, puisque c'est comme ça, tu vas voir, tu vas recevoir des contraventions. Donc 15 jours après, on reçoit 2 contraventions pour bruit, en plein après-midi sur le grand boulevard, le National 3, avec des voitures qui passent. Donc il lui a mis une contravention pour bruit et pour versement d'un liquide sur la chaussée. Donc en fait, c'est des contraventions imaginaires, un abus de pouvoir. Pour contester ces contraventions, c'est très difficile. Parce qu'en fait, c'est leur parole contre les nôtres. Alors, donc, il faut des témoins, il faut patati, patata. Donc, c'est vraiment... Ah, ils ont vraiment les moyens. Oui, oui, ils ont les moyens. Alors, d'aujourd'hui, je suis un peu plus au courant de comment ça peut se dérouler. Ben, je peux te dire que je suis quand même assez flippée. Ben, c'est vrai qu'on a subi un traumatisme. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai encore arrêté de travailler parce que ça n'allait pas. Là, à chaque fois de savoir qui sont en bas, moi, je flippe. J'étais encore en bas tout à l'heure, à les regarder. T'en avais un qui faisait partie de la clique de Christian et tous les autres. J'ai même appris que ce même Christian avait été bougé apparemment à Saint-Ouen. Non, c'est méthodique. C'est-à-dire que cette brigade-là, ils arrivent dans une ville, donc ils font la terreur, ils agressent violemment les jeunes. En fait, leur méthode, c'est ils font de la provocation. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils humilient, ils insultent, ils touchent même aux parties intimes des mineurs. Et bah, un mineur, il ne va jamais accepter ça. Donc, à un moment ou à un autre, les mineurs, ils vont dire, bah, non, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Et donc, ils vont les interpeller, ils vont les tabasser, en fait, avant, et les interpeller pour outrage et rébellion. Donc, en fait, ils font de la provoque. Ils n'ont pas le droit de faire de la provoque. C'est la provocation à la violence. Moi, nos avocats, ils nous ont dit, le problème, c'est qu'il faut prouver qu'ils ont fait de la provoque. Donc, il faut filmer visuellement et avec des images. Une fois que la population se lève contre cette brigade, parce qu'elle est violente, parce que la brigade qui est à Pantin, bah, il a commis plein de violences sur Pantin. Donc là, ils ont une réputation qui n'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Bah, en fait, ils les spatchent dans d'autres villes. Donc, tous ceux qui sont impliqués dans ces violences-là, bah, ils vont être mutés pour qu'ils recommencent la même chose. Donc, ça tourne comme ça. Donc, un an ici, bon, ils vont faire de la violence. Une fois qu'ils sont repérés, tout ça, bah, ils vont aller ailleurs. Et ça tourne. Donc, cette brigade-là, il est là pour faire pour tabasser les mineurs des quartiers populaires, comme on va dire. Parce qu'ils savent très bien que les familles sont démunies, ils ne connaissent pas leurs droits, même financièrement. Ils n'ont pas les moyens d'aller prendre des avocats, d'aller en justice et tout ça. Parce que moi, j'ai confiance à la justice, mais... Parce que je suis un citoyen, donc j'ai dit, oui, la République, ouais, il est là pour l'égalité, pour que tout le monde soit traité de la même manière. Quand on voit les jugements, et notamment contre les policiers, il n'y a jamais de condamnation, vraiment des cas exceptionnels. Quand il y a des morts, mais avec des flagrants délits ou des témoignages accablants, qu'il y a quelque chose. Mais dans 95%, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas d'égalité de droit. Donc même, il n'y a pas d'égalité de justice. Quelqu'un qui a de l'argent, qui a les moyens, bah, ils ne sont jamais inquiétés. Bah, l'exemple, c'est la directrice des FMI. Ouais. Bah, il est jugé coupable, mais voilà, sans condamnation, sans rien. Donc, est-ce qu'un citoyen comme nous, des citoyens normaux, peut être coupable sans être condamné? Ben, jamais. Responsable, mais pas coupable. Alors qu'un citoyen qui a juste volé un bout de fromage, parce qu'il avait faim, il n'avait rien d'autre à manger, il a été condamné à 3 mois de prison. Donc voilà, c'est en fait deux poids, deux mesures. Donc, qui disent que la France, c'est le pays des droits de l'homme, mais c'est le pays de rien du tout. C'était le pays des droits de l'homme et des libertés. C'est plus le pays des droits de l'homme, je suis désolé. Là, on est dehors, là, on est juste au pied des immeubles et on est vers Porte de Pantin. Exactement, là, tu es t'es en face des ateliers Hermès. Là, tu es sur la rue Auger aussi, avec la barrière, qui est là, la fameuse barrière dont on a tant parlé, dont on a tant vu la vidéo tournée. C'est là où je me fais agresser avec Wassine. Et là, tu as le fameux immeuble de la rue du 21, de la rue Auger, où Bilal s'est fait agresser, en fait. À l'intérieur du hall, là ? À l'intérieur du hall, là, ouais. D'accord. C'est juste là où tout s'est passé. Donc le 14 et le 26, c'est là où on m'a vu en long et en large, malheureusement, nous faire bousiller. Puis c'est là où s'est soi-disant passée la fameuse mini-émeute. Avec rébellion et tout le tintouin. En sachant que cet immeuble va être détruit. D'accord. Tu sais ce qu'ils vont faire à la place? Eh ben, écoute, apparemment, ce serait surtout pour faire de l'espace. tout casser là de façon à ce qu'il y ait un meilleur espace. L'idée même, c'est qu'apparemment, les gens vont sûrement se faire reloger. Il y a une cité, visiblement, bon, c'est une cité HLM. Ouais. Pantin Habitat, ici. Pantin Habitat. Ouais. Et alors, devant, il y a un petit espace vert, mais il est complètement grillagé. Hein. On a l'impression que c'est une cage au lion, là. Exactement. Et juste en face, il y a les ateliers Hermès. Donc, on voit bien qu'il y a un petit truc qui va dénoter, qui dénote. Il y a une nécessité, en fait, de casser ces cités HLM pour faire un espace un peu plus luxueux, d'un autre type, pour une autre population. Pour faire le lien aussi avec le petit canal de Lourdes, autour duquel il y a de plus en plus d'entreprises d'ailleurs extrêmement luxueuses qui s'installent, soi-disant pour redynamiser la banlieue. Pour la mixité sociale. Voilà, la mixité sociale. Voilà. Et donc du coup, en fait, quand tu longes comme ça la rue Auger, tu te rends compte que les ateliers Hermès, c'est carrément... Tout ça, ouais, c'est énorme. C'est vers le haut là-bas. Ouais, et là, énorme. Ils sont en train d'aménager la crèche, ils vont la déplacer. Ouais, toute la L'école, rue. L'école, pareil, ouais, ouais. Tout ça va être réaménagé. La tension que les flics créent, c'est pour faire peur et pour, en fait, pousser les gens à se barrer, quoi. Ouais, exactement. Et puis là, l'idée même de tout ça, de toute façon, on sait via l'urbanisme, c'est que plus tu as des réaménagements comme ça qui se font, tu peux penser que ça va être pour toi, pour tes enfants, que ça va permettre à pas mal de gens de trouver du travail. Mais tu te rends compte que quand même, là, tu as plus de répression. Les loyers vont forcément augmenter. Si tu as du tout beau, si tu as du tout riche, tu vois, forcément que les loyers, à un moment... D'ailleurs, ils ont commencé à augmenter. Ils ont commencé à augmenter. La taxe d'habitation, elle a commencé à augmenter. Donc du coup, bah, forcément, quand tu n'arrives plus à payer, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas plus loin. Tu te fais expulser, tu vas ailleurs. Et moi... Personnellement, je pense que depuis que tout ça est installé par M. Kern et compagnie, via même Paris, parce qu'on parle du Grand Paris et on parle même des Jeux Olympiques 2024, mine de rien, ça ne joue pas forcément en faveur de certains quartiers de Pantin. Des plus pauvres, en fait. Dit à zone de non-droit ou zone préventive ou les fameux noms qu'on leur a donnés. Parce que c'est tous les jours qu'ils sont contrôlés, là, les gamins. Donc, dans le temps, c'était au marché qu'ils ont installé là-bas, qui ne sert à rien du tout parce que personne n'y va. Avant, on avait un marché populaire ici qui a été déplacé là-bas à Rue Olympe de Gouges. Et du coup, tu te rends compte qu'il n'y a personne qui va là-bas. Et trop cher. Parce que c'est trop cher. Et quand tu parles justement de ces contrôles et du changement du quartier. Il ne faut pas oublier de rappeler aussi que ce contrôle, il est fait par la BST, qui a été mis en place il y a quelques années. Et donc ça va aussi, pareil, c'est contemporain des projets de réurbanisation et des projets d'aménagement du quartier. C'est-à-dire que ce n'est pas une brigade que tu trouves partout. Elle a été installée et elle est en plus des autres qui étaient déjà là. Ouais. Là, on a appris qu'il y avait quand même pas mal de flics qui allaient être mis en plus. Beaucoup plus, là. On nous en a parlé de 700. Donc imagine, un jour, de toute façon, tout ce qui va se passer, c'est que ça va partir en cacahuète, cette histoire. Parce que tous les jours, se faire comme ça, contrôler, en sachant que tu vas même chez toi et que les gamins, ils restent juste là et qu'on fait allusion à des trafics de stupéfiants, je me dis, à un moment donné, c'est pas vivable. Moi, tu te rends compte que j'ai peur quand même tous les jours. Je suis censée être en sécurité, mais pour moi, c'est pas une sécurité. Pour moi, c'est une insécurité. C'est pratiquement tous les jours maintenant que les contrôles se font, ça devient intolérable. Moi, franchement, j'en ai ras-le-bol. Et qu'on vient de me dire que c'est normal, qu'il y a du trafic de stup, machin et tout, pour moi, ça n'excuse pas le fait que ces mêmes gamins soient contrôlés tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine. Hein. Et c'est en plus des collégiens, lycéens et j'en passe. Hein. Bon, allez, viens, on y va. Doucement, il fait super froid. Ouais. Donc on vient d'écouter un extrait de l'émission de l'actualité des luttes qui date du 24 janvier. Et vous pouvez réécouter l'émission entière sur le site actualité au singulier des luttes.info. Et si vous avez envie de découvrir cette émission, c'est du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30 sur le 106.3 à Paris, enfin du côté de Paris, et sur rfpp.net partout ailleurs. Voilà. Et on voulait aussi rappeler, enfin parmi les témoignages, alors il y a plein d'histoires de genre avec les flics, bien sûr, quoi. Et parmi les témoignages, on voulait rappeler la plainte collective qui a été posée par des adolescents du 12e à Paris et qui se plaignent de contrôle humiliant de la part des flics et notamment du coup d'attouchement de la part des flics, de flics qui leur introduisent des doigts dans l'anus, etc. Et juste pour dire que voilà, au moment où le gouvernement veut faire passer ça pour une bavure et quelque chose d'exceptionnel, ce qui s'est passé pour Théo, en fait, c'est loin d'être des bavures, c'est de l'ordre du fonctionnement habituel d'une bonne partie des brigades de police, notamment en quartier populaire. De vouloir écraser les personnes, en fait. Ouais. Écraser, humilier. Ouais, c'est clair. On propose de clore là le chapitre sur les violences policières pour ce soir. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Hélas. Et de passer à Linkill, ouais. À notre troisième épisode de Linkill, qu'on vous laisse découvrir tout de suite. C'est d'après une idée qu'on a trouvée sur alouest.info. Précédemment, dans Linkill. Ils se foutent de ma gueule, hein. Enedis. CERDF. Enfin, ils ont changé de nom, mais c'est EDF. Madame, disait la lettre. Par votre courrier du 9 juillet, vous nous avez fait part de votre souhait de ne pas bénéficier du nouveau compteur Linky. Ne pas donner libre accès à votre compteur vous placerait en infraction par rapport à la loi. Les signaux lumineux du poulpe étaient tous allumés. Se cacher autant derrière la loi ne pouvait être que suspect. Ils vont voir comment je vais les recevoir. Elle sortit une batte de baseball de derrière le comptoir. Linkill, chapitre 3. La belle humeur du poulpe se volatilisa environ une heure plus tard lorsqu'ayant déjeuné, puis raccompagné Chéri au salon, il avisa quelques mètres plus loin sur le trottoir opposé une camionnette blanche et verte portant les mots « Partenaire Linky ». Gabriel se sentit cerné, et s'il y avait bien une chose qu'il n'aimait pas, c'était bien ça. Tandis qu'il avançait, il s'aperçut que le véhicule reluisant n'était pas vide. Un homme, fort agité, occupait la place du conducteur. Il était vraiment agité, parlait fort, faisait de grands gestes. Soudain, un sentiment désagréable picota Gabriel. Pas de la peur, mais la sensation d'avancer sans aucun plan, une vague impression de foncer à poil et tête baissée dans la gueule du loup. Il s'engueula mentalement avec force. Depuis quand était-il un trouillard? Et depuis quand, surtout, des objets, si intelligents soient-ils, pouvaient se vanter d'infléchir sa conduite? Il marcha donc droit sur la camionnette. Et quelle ne fut pas sa surprise, une fois à son niveau, de constater que le capot avait été ravalé. Une bombe de peinture tremblotante avait tracé les mots « Pas de Linky dans nos quartiers ». Décidément, Linky avait quelques ennemis. Ce qui pour Gabriel n'était pas une mauvaise nouvelle finalement. Les ennemis de mes ennemis, n'est-ce pas? Il jeta un œil à l'occupant de la voiture, homme au bord de la crise de nerfs. Qu'est-ce que je peux faire? Il sembla un instant sur le point de pleurer et sortit de la voiture. Monsieur? Il portait le même polo que le gommeux du matin. Je vous attends. Pardon? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Mais c'est vous qui me dites, monsieur, je vous attends. Mais je parle à mon chef. Et en guise d'explication, il extirpa de son oreille un appareil clignotant qu'il posa sur le toit de la camionnette. Vous voyez ce qu'ils m'ont fait? Je savais, j'ai dit à mon chef. Je savais que ça se passerait mal. La dernière fois, ils avaient barricadé toutes les portes. Toutes les portes de tous les immeubles de la rue. Avec des planches, des meubles, des poubelles. Il parlait vite, malgré sa voix qui se brisait sous le coup de l'humiliation d'avoir été envoyé faire le sale boulot. Je voulais pas venir seul. J'ai demandé un équipier. Parce qu'ils ont tous envoyé des courriers. Parce qu'ils veulent pas des nouveaux compteurs. Je devais juste déposer les dépliants dans la boîte aux lettres. Et le temps que je revienne, voilà. Il désigna le message du capot. Le poulpe pensa au travail, faillit se lancer dans un couplet sur l'exploitation. C'est qu'un compteur pourtant, c'est rien qu'un compteur. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Ils disent qu'ils envoient des ondes, que c'est mauvais pour la santé, c'est même pas prouvé. Ils disent qu'il va les arnaquer, les faire payer plus, mais c'est tout le contraire. Mais ça va pas se passer comme ça, c'est clair. Ils l'auront, un compteur. Ça va devenir obligatoire. Ah oui, obligatoire. Tant pis pour lui, pensa Gabriel. La bouche et les yeux de l'homme s'ouvrirent démesurément lorsque Gabriel s'empara calmement de son oreillette téléphonique, la jeta au sol et la piétina de toute sa force. Silence, enfin. Gabriel tourna les talons. Il entendit d'ailleurs crisser quelques débris de composants électroniques et prit tranquillement le chemin de son hôtel. Trop occupé à se féliciter lui-même, il mit un certain temps à remarquer qu'il était suivi. À suivre. Donc voilà, c'était l'épisode numéro 3 de Lindkill, que vous pourrez retrouver sur notre site. Ouais. Moi, je voulais reparler encore des Lindkill. Donc, j'ai trouvé un article sur le site du collectif anti-Lindkill de Soul, je sais pas comment on dit, au Pays Basque. Donc, c'est un collectif qui a pour objectif de multiplier le nombre des communes qui refusent l'installation des compteurs communicants. Donc, il précise qu'on peut participer à cet objectif et agir en direction du conseil municipal de notre commune. Et qui peuvent même accompagner les personnes dans cette démarche. Donc, ils ont des argumentaires contre les Linky. Et il précise que les compteurs, ce sont les communes qui sont propriétaires des compteurs électriques. Selon un article du Code de l'énergie. Et ils délèguent la concession au syndicat d'énergie départemental. Bon, donc là, c'est au Pays Basque, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Et il y a des communes, comme elles sont propriétaires des compteurs, elles refusent de changer leur compteur. Et il y a certains préfets qui essaient de faire pression sur les élus locaux en menaçant d'annuler leur délibération parce qu'ils considèrent, eux, les préfets, que ce serait illégal. Et pourtant, bon, c'est la commune qui a toute latitude pour faire ses délibérations et décider par rapport à ce qui lui appartient si... Elle concerne les vieux compteurs. Voilà. Ensuite, sur le fonctionnement des Linky, il transmet par courant porteur en ligne, donc CPL, des signaux haute fréquence. Donc les informations qui sont recueillies sur la consommation du foyer jusqu'à un concentrateur. Et les concentrateurs, il y en a un par quartier. Qui à son tour envoie les données par haute fréquence jusqu'au centre de supervision d'Enedis, où elles sont traitées, les données. Donc, l'installation des concentrateurs, qui sont des émetteurs haute fréquence, peut nécessiter une autorisation communale. Le fonctionnement du système de communication pourrait nécessiter l'installation de 70 000 concentrateurs. Il précise aussi que c'est prévu d'étendre ce principe communicant aux compteurs de gaz et aux compteurs d'eau. Ensuite, Enedis présente le compteur comme le premier maillon d'un système performant pour une gestion optimale de la production et de la distribution d'électricité. Donc, cette optimisation, ça passe par le remplacement de l'homme par l'ordinateur, et donc ça nécessite le collectage d'un grand nombre d'informations sur le comportement personnel des consommateurs. Ça, on en a déjà parlé. Bon, ils savent à quelle heure on se réveille, à quelle heure on s'endort, si on a des invités pendant le week-end ou pas et tout. Bon. Ensuite, il y a les nuisances électromagnétiques. Donc, les compteurs utilisent des signaux haute fréquence, aussi bien à l'intérieur du domicile qu'à l'extérieur, avec les concentrateurs. Et donc, ça épaissit le brouillard électromagnétique qui est déjà bien... conséquent avec la téléphonie et tous les autres systèmes sans fil qui sont toujours plus nombreux. La société Enedis, elle contrôle à distance la consommation. Donc Enedis présente cet appareil comme permettant une meilleure maîtrise de notre consommation d'électricité, bien sûr. Et au contraire, ce dispositif permet sa manipulation à distance en autorisant notamment des coupures sans préavis sur certains appareils en fonction des besoins des fournisseurs. Du genre, je sais plus, au début de l'hiver, il nous a parlé d'un risque de pénurie d'électricité. Et donc, ben voilà, si on est en surconsommation, eh ben, pouc, voilà, ça tombe sur nous, tant pis. C'est ça, et on imagine que s'il y a un risque en fait, de blackout, ils vont délester, en fait, voilà. Et du coup, plutôt réduire la consommation, ouais. La possibilité de consommation électrique aux individuels, voilà. Quoi, pour que les entreprises elles puissent continuer, voilà. À tourner à bloc. Sans préavis. Voilà. Oh tiens, si zut, froid, je ne peux grave. Pas allumer le machin avec le truc. Ah, ben, voilà. Oui, oui, exactement ça. Quoi. Tu ne pourras pas te chauffer, mais tu pourras toujours aller bosser à l'usine. Quoi. Voilà. Donc, il rappelle que bah, via les appareils connectés, nos habitudes sont observées et analysées, afin de nous proposer des produits mieux adaptés à nos besoins, nos désirs. Donc voilà, elles peuvent être utilisées pour contrôler et codifier nos comportements. Par rapport au prix, alors contrairement aux actuels compteurs, le Linky ne supporte pas les pics de puissance. Donc en cas de dépassement, même très ponctuel, les usagers devront souscrire à un abonnement plus fort, donc plus cher. Bon, là, je n'ai pas trop bien pigé. Je crois que c'est la puissance du compteur. Si tu n'en as pas suffisamment, bon, il faut que tu payes un abonnement supérieur. Donc, il y a des tarifs variables qui sont proposés en fonction d'options qui sont choisies par les clients, comme dans la téléphonie mobile et tout. Et donc, ça crée un véritable maquis des prix. C'est illisible et voilà, tu ne peux pas comparer... gaspillage, il y a 35 millions de compteurs dans l'Hexagone et ceux qui sont en place, ils fonctionnent très bien pour l'instant et ils vont finir à la poubelle. Le programme de remplacement coûterait entre 5 et 10 milliards d'euros. Et le Linky consomme de l'électricité pour son fonctionnement à lui. Ça veut dire vous coupez tout, vous débranchez le frigo et tout et tout. Eh bien, ça consomme juste pour le compteur. Continue à tourner. Non, mais c'est pas de l'escroquerie, bon, bref. En plus, sa durée de vie s'annonce beaucoup plus courte que les anciens. Ouais. Simplement, les droits et les devoirs d'opposition. Les communes donc, sont propriétaires, elles sont responsables et peuvent se faire entendre. Voilà. Et alors, depuis 1997, les compagnies d'assurance refusent de garantir les risques sanitaires liés aux champs électromagnétiques. Depuis 1997 ? Ouais. Ah. Ben, je ne pense pas qu'elles acceptaient avant, ça ne veut rien dire. Oui, elles refusent, quoi. Ou peut-être qu'officiellement... Peut-être en 1880, quand il y avait moins d'ondes, ils acceptaient. Peut-être qu'officiellement, elles ont pris une position à ce moment-là. Je sais pas. Enfin, bref. Pour tout problème, ça veut dire que les usagers ne peuvent se retourner que contre la commune qui est propriétaire, responsable. Et qui aurait dû refuser. Voilà. C'est bien fait, voilà. Quand même. Non, ouais. On ne peut pas leur enlever ça, c'est bien ouais, fait. Ouais, pas mal. Hein. Ouais. À l'heure actuelle, il y a plus de 300 communes qui refusent et aussi des États, l'Autriche en 2013 et un an plus tard l'Allemagne. Et je ne sais pas ce qu'on attend. Et le Canada qui, il y a quelques années, a fait retirer des dizaines de milliers de compteurs Linky à cause des incendies qui avaient été provoqués. Et ils n'ont pas attendu qu'il y ait des milliers d'incendies. Hein. Je crois que c'était une dizaine d'incendies... Et du coup, ils ont fait retirer plein de compteurs d'un certain modèle. Quel modèle qu'on a par ici et par ici, on en est rendu aussi à une dizaine... Enfin, par ici, du coup, en France, on est rendu aussi à une dizaine d'incendies, dont le dernier, il y a deux semaines, dans une qui a ravagé la boulangerie que des gens venaient d'acheter. Et leur appart qui était au-dessus, quoi. Et du coup... Bah, du coup, voilà. Et du coup, là, dans ce cas-là, tu ne peux pas te retourner contre... Ouais, tu te démerdes, quoi. Ouais. Okay. Non, parce que les assurances ne prennent pas en charge ce type de... catastrophe, hein, c'est ça. Ben, on ne sait pas trop, parce l'incendie, que là, c'est l'accident. Mais... Ouais, c'est ça, c'est un accident. Mais l'assurance, oui. L'assurance va se retourner contre la commune et non pas contre Enedis, quoi. Bon. Voilà, voilà. Donc, il est 21h49. On va peut-être faire une petite pause musicale avant de passer aux annonces. On va faire une pause musicale. Yeah. Oh. Tes chaussettes, je vais m'asseoir sur ton visage jusqu'à ce que tu vois des clochettes. J'adore les petits morveux avec des mini coucougnettes. T'es tellement accro, vas-y, je te prends comme une carpette. J'espère que tu as prévu, tu t'en tas d'antidouleur. On va dépuceler ta petite bite de soi-disant rappeur. Tu vas goûter et savourer ma boîte de tampons usagés. Mais ferme ta gueule ou tu vas te faire Jacqueline Sauvager. Je te le dis gentiment, je suis pas là pour faire de sentiments. Je suis là pour te couper tes 10 cm. Tu seras mon petit chien et je serai là pour te soumettre. J'ai un pied sur ta bite, un sur ta face et je deviens ambidex. Lèche mes fesses en finesse, t'offre une pilule anti-stress. Excuse-moi mignon, laisse-moi dégrader ton faciès. J'ai mon business en toute discrétion, t'inquiète, j'en parlerai pas. Je te jure qu'on ne verra pas à la caméra. Je jouerai l'ingénu et je t'emmènerai dans les bois. Avant l'amour, je serai romantique et je te mettrai les doigts. Bois, lèche jusqu'à ce que tu sois mal en point. Je t'aime, suce mon kiss pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Les bouquets, moi je te les fais bouffer. Je pêche la veille et je te baisse le lendemain. Suce mon clit pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Les bouquets, moi je te les fais bouffer. Je pêche la veille et je te baisse le lendemain. Suce mon clit pour la Saint-Valentin. Appelle-moi maîtresse, madame la grande féministe. Je crache dans ta gorge ouverte, sois content que je te mette pas un film. Mets-toi sur Messenger, je t'envoie ma chatte en émoticône. J'aime ta beauté intérieure quand tu remues ta queue en forme de cône. J'aime mon chien, respecte enfin les meufs mortelles. Si tu deviens moins crétin, promis, je te file mon fun tel. Toujours du crédit pour aller baiser ton père. En matière d'abstinence, on sait que tu sais le faire. J'aime Caris, car sa couleur fait ressortir le sperme. Cette gecko, parce qu'il fait trop bien ma vaisselle. J'aime Boba, quand il est baïonné. Mon préféré, c'est Val, ce mec est trop en chien. Voilà ce qu'on répond à votre liberté de création. Vous fait bouffer les égouts, comme ça on partage l'addition. Je suis romantique, suce mon clic pendant que je te ratatine. Et tape un rail de mouille avec ma cyprine. J'aime pas trop les 14 février. Les bouquets, moi je te les fais bouffer. Je pêche la veille et je te baisse le lendemain. Suce mon clit pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Les bouquets, moi je te les fais bouffer. Je pêche la veille et je te baisse le lendemain. Suce mon clit pour la Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin à Clit qu'on vient d'écouter. Ouais, donc Clit, c'est une formation de Nana, en fait. Voilà, et c'est une chanson qu'elles ont fait en réponse à Orelsan, en fait, aux chansons d'Orelsan. Ce gars hyper sexiste, hyper... Voilà, donc on ne vous invite pas à écouter, d'ailleurs. Enfin, Clit, si, mais pas Orelsan. Donc, il est 21h53, nous allons passer aux annonces. Et je commence. Oui. Le 17, 18 et 19 février à la Wardine, c'est sur la ZAD, il y a les rencontres de lutte contre les persécutions policières. Ça dure 3 jours. Il y a le samedi, c'est plutôt autour de témoignages. Il y aura Abdi, déporté par l'armée en France pour les actes de piraterie en Somalie. Il y aura Farid, le frère de Wissem, qui a été tué par la police en 2012. Il y aura Yasser, qui est militant des libertés publiques, engagé contre l'islamophobie et les politiques sécuritaires. Il y aura quelqu'un du collectif Justice pour Babacar Gaye. Il y aura des militants et militantes contre les répressions policières à Paris. Il y aura Matt et Fatima du collectif Va te faire intégrer production, qui est le collectif qui a produit le film Le coup de leur privilège. Deux personnes de l'Assemblée des blessés, la cabane juridique de Calais, la Legal Team et d'autres. Le vendredi à 18h, c'est accueil, repas et projection du film qui a tué Aliziri. Le samedi, je ne vais pas dire tout le programme, mais du coup le samedi c'est plutôt consacré aux témoignages des intervenants, intervenantes et des échanges. Et le dimanche c'est plutôt perspective et qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Avec le samedi soir, open mic. Et le dimanche, il n'y avait pas la projection, si c'est le dimanche à 16h-17h, la projection du film Les coups de leur privilège en présence des réalisateurs et des réalisatrices. Alors moi, j'ai du 14 au 18 février, déclare ta flamme à Landra. Contre mauvaise fortune, bombe, cœur. Lundi 23 janvier, Landra, l'agence d'enfouissement de déchets nucléaires, nous a fait de fougueuses avances en revenant dans le bois le Juc avec ses machines et vigiles sous escorte gendarmesque. Devant tant d'empressement, nous avons voulu lui faire une petite surprise pour la Saint-Valentin. Donc du 14 au 18 février, nous appelons toutes et tous celles et ceux qui voudraient déclarer leur flamme à Landra à organiser à Bure et partout ailleurs des actions de soutien aux occupants et occupantes et contre le projet CIGEO. Vous pouvez appeler la préfecture au 03 29 77 55 55, on redonnera le numéro, ou Landra au 01 46 11 80 00 pour déclamer un poème d'amour à CIGEO ou leur écrire à Centre Haute-Maine 55 290 Bure. Déployez des banderoles sur vos lieux de lutte et manifs. Prenez des photos de vos actions et envoyez-nous tout ça sur burlutte@riseup.net qu'on puisse publier un beau carnet de nos élans. Nous faisons confiance à vos imaginations débridées, faites-nous plaisir, surprenez-les. Le mardi 14 février, nous ouvrons le bal à 20h après tablée et vin chaud avec une marche au flambeau vers Landra depuis Bure. Venez avec vos lanternes, lampions, torches et loupiottes, que la chaleur de nos flammes réchauffe les froides soirées de la Meuse et chatouille les nucléocrates terrés dans leur souterrain. Derrière les grilles de leur triste laboratoire, With Love and Radicality, les chouettes hiboux ardents de Bure. Donc le samedi 18 février à 15h, place de Verdun à La Rochelle, manif pour Théo et les autres, ni oubli ni pardon. À Rennes, manif samedi 18 février, on soutient Théo et tous les autres. 15h, place de la mairie à Rennes. Théo et Babacar nous rappellent pourquoi Zayed et Bouna couraient. Angers, avec Théo et les autres victimes, samedi 18 février, 15h, place du ralliement à Angers. Et il y a une autre manif qui est vendredi, pardon, c'est demain, à 18h, place du commerce à Nantes, justice pour Théo et solidarité avec Aulnay. Alors, j'ai une annonce pour dimanche 19 février du côté de la ZAD. C'est une balade découverte à l'occasion de la Journée mondiale des zones humides. Donc, il y a un rendez-vous parking de la salle Cassiopée, rue de la Belle Étoile à Notre-Dame-des-Landes, dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, qui cette année a pour thème la prévention des catastrophes. Les naturalistes en lutte vous emmènent à la découverte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes le 19 février, dimanche, donc, de 14 à 16 heures. Véritable château d'eau, cette vaste zone humide alimente deux bassins versants avec une eau de qualité et contribue à la prévention des inondations. De plus, le bocage et les landes à l'abri des pesticides constituent de véritables réservoirs pour la faune et la flore. Ce sont de précieux atouts pour éviter la catastrophe qui menace la biodiversité. Donc c'est dimanche à partir de 14h à Notre-Dame-des-Landes et pensez à porter vos bottes. Week-end sur l'autonomie italienne 68-77, donc ça se passe le 17 et 18 février, c'est sur la ZAD. Donc vendredi 7 février à 20h à la Rolandière, l'Intervento, mise en scène théâtralisée de lecture, films et chansons. Vous verrez et entendrez des luttes dans les usines, les quartiers, les prisons, les occupations de logements, les combats féministes, les autoréductions, les radios libres, les actions directes, les groupes armés, etc. Le spectacle sera suivi d'une discussion sur ce que ces fragments d'histoire peuvent apporter dans nos luttes aujourd'hui. Et le samedi 18 février à 17h à la Rolandière, la Horde d'or et Année de rêve et de plomb, discussion croisée autour de ces deux livres sortis cet hiver, avec Alessandro Stella qui nous contera son parcours de grève ouvrière et à lutte armée. Alors samedi 18 février à 11h du côté de Noirmoutier, donc côté continent, il y a un rassemblement qui s'intitule « Construisons des ponts, pas des murs ». Et c'est en soutien aux migrants. Et ça se passe à partir de 11h. Pensez à apporter votre pique-nique. Et c'est pour exiger le respect des promesses faites et le maintien de nos migrants sur le territoire. C'est signé la coordination des bénévoles de Noirmoutier et le collectif de Saint-Brévin. J'ai l'impression que c'est bon. Ouais, c'est bon. Sinon, il y avait une manif à Bure, mais ouais. Je crois que c'est à partir de... C'est samedi. En fait, ça faisait écho aux premières choses. Alors, il y a peut-être des cartes qui partent de la région. Le 18 février, qu'ils nous aient expulsés ou non, montrons-nous que nous ne sommes pas fébriles brindilles qui s'éteignent au premier souffle. Oui, c'est une manif à Bure, donc on peut retrouver toutes les informations sur vmc.com. Camp, et sauvonslaforêt@riseup.net. Et il y a un numéro aussi, 03 29 45 41 77. Voilà. Il y a aussi la semaine des résistances, on n'a pas le temps d'en parler parce qu'il est 22h et du coup vous pouvez chercher sur votre moteur de recherche préféré semaine des résistances, ça commence en début de semaine prochaine. Dans la grande discothèque, à la semaine prochaine. 33 tours, 45 tours.